Salut à toutes et tous, bienvenue dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission qui est également podcastable sur son blog asile35.blogspot.fr depuis l'été dernier, la rentrée 2013-2014, également disponible en streaming sur le Mixcloud/Redman. Cette semaine, une nouvelle salve de musiques aventureuses qui démarre avec un vieux 45 tours de Red Crayola, Crayola avec un K, et non pas celui avec un C des années 60. Donc le fameux groupe à géométrie variable du guitariste et songwriter et également plasticien américain Mayo Thompson, qui a démarré à peu près vers 1966 au Texas. Ils n'ont rien publié depuis 5-6 ans, donc je profite d'une réédition des singles qui était sorti il y a de ça une petite dizaine d'années en CD sur le label Drag City et qui viennent tout juste d'être réédités en double vinyle pour vous proposer, pour attaquer la sélection de cette semaine, un vieux titre de 1979 publié à l'époque sur le label Rogue Trade. Sous le titre Microchips and Fish, dans lequel on retrouvait notamment Gina Birch des Raincoats et autres Laura Logic de X-Ray Specs, qui avaient été toutes deux intégrées dans Red Crayola à la fin des années 70, début des années 80. Et d'ailleurs, le fameux Mayo Thompson était également producteur des Raincoats, si je ne m'abuse. On écoute donc le titre Microchips and Fish de Red Crayola. Thank you. On a démarré avec deux titres enchaînés qu'on pourrait qualifier un peu dans le post-punk biferto déglingué. Tout d'abord un titre de Red Crayola, très free rock, assez différent de ce qu'il pouvait produire à leur début, qui était nettement plus psychédélique qu'expérimentaux. Donc The Red Crayola avec un K et un 45 tours de 1978 sous le titre Microchips and Fish, que vous pouvez retrouver sur la double compilation, le florilège des singles de Red Crayola qui vient tout juste d'être réédité sur le label Drag City. Donc pour se replonger tout autant dans les débuts du groupe, il y a les premiers 45 tours de son leader, le guitariste Mayo Thompson, jusqu'à des titres beaucoup plus récents de ce qu'il pouvait produire par exemple en compagnie de monsieur David Groobs. Et c'était enchaîné The Red Crayola avec le groupe Palberta. Palberta, qui est un combo de post-punk féminin de New York, situé un petit peu entre US Maple, D-Roof et une sorte de punk-funk hérité de la fin des années 70, début des années 80. Là, il s'agissait d'un split cassette en compagnie d'un groupe de Boston, les New England Patriots. Ça vient tout juste de sortir sur l'excellent label Feeding Tube sous le titre Special Workship, et c'est écoutable également d'ailleurs sur le bandcamp de ce groupe palberta.bandcamp.com, comme leur premier opus qui a vu le jour à l'automne dernier et qui est un peu dans le même registre, donc plutôt une musique un peu aussi assez proche de ce que faisaient les Raincoats dont on parlait en tout début d'émission, donc une sorte de musique un peu hybride à jouer à contre-temps. Quant à leur compatriotes, les New England Patriots, là il s'agit beaucoup plus de noise avec distorsion et voix noyée dans le feedback, et beaucoup plus proche de US Maple. Voilà, on va continuer avec une autre nouveauté. Il s'agit d'une rencontre, et pas des moindres, la rencontre entre le groupe maximaliste britannique passablement excité Action Beat et l'excellent chanteur J.W. Sock, Josh, ex-chanteur du groupe The X, qui n'arrête pas de produire à peu près tous les 2-3 mois un nouveau disque en compagnie de musiciens différents. Là, il s'agit d'une collaboration à distance avec la formation anglaise, formation qui compte je ne sais combien de guitares et de batteries, et qui joue une sorte de musique post-Glen Branca Sonic Youth. Une formation qui est basée en périphérie de Londres, à Bletchley très exactement. Donc une collaboration, comme je vous disais, très très très très très chouette, comme si Monsieur Sock transcendait la mécanique bien huilée du groupe Noise Action Beat. On va pouvoir s'en rendre compte avec un extrait, peut-être le morceau, on va dire, le plus radiophonique de ce disque, qui est très très réussi, mais celui qui est le plus direct, donc le morceau de ce disque de Action Beat et J.W. Sock, qui vient de paraître sous le titre A Remarkable Machine sur le label Ernest Jennings. On écoute le titre Dig the Hole. We'll be right back. for the nosy creatures which are fowls with a jaw. Thank you. Séance de décapage en règle pour se remettre dans du week-end dans l'asile le plus sûr avec tout d'abord la machine de guerre Action Beat en compagnie de l'ex-chanteur de ZX JW Sock et un extrait de cet excellent disque A Remarkable Machine sorti en vinyle il y a de ça un mois et demi, deux mois, qui était enchaîné avec cette fois-ci la rencontre entre Alan Licht, guitariste improvisateur qu'on connaît depuis une bonne vingtaine d'années pour quantité de projets, notamment The Blue Humans ou encore Text of Light, dans lequel il jouait aux côtés de pas mal de musiciens new-yorkais et notamment de monsieur Lee Ranaldo à l'époque où il officiait encore dans le groupe Sonic Youth. Je crois qu'Alan Licht a d'ailleurs rejoint sa nouvelle formation Lee Ranaldo and the Dust. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est assez coutumier de jeux assez stridents à la guitare, mais qui est capable d'une grande variété dans l'improvisation free rock principalement. Et là on le retrouvait aux côtés de Brian Chase, ce qui est assez amusant puisque Brian Brian Chase s'est fait connaître en tant que batteur du groupe new-yorkais Yeah Yeahs. Et depuis quelques temps, il se produit plutôt dans le contexte des musiques avant-garde. Il a fait paraître un disque sur le label Pogus en solo sous le titre Drums and Drones. D'ailleurs, les trois autres séquences qui constituent ce disque en compagnie de Alan Licht, We Thought We Could Do Anything, comportent pas mal de ses compositions dronesques en compagnie donc de son acolyte. Et il a également officié sur un disque de Tolem McDonagh, le pianiste de jazz contemporain, donc une carrière assez étonnante pour Brian Chase. Un disque qui sort sur le label du membre des DuckTales, Matt Mandenine, son label donc New Images, qui a sorti pas mal de choses fort intéressantes. Le disque de la suédoise Tsembla ou encore Spectre Folk, et également Helm, donc en musique plutôt électronique, un peu post-industrielle. Donc une grande variété sur ce label New Images, et donc une rencontre assez passionnante entre Alan Licht et Brian Chase sous ce titre We Thought We Could Do Anything. On va continuer avec une autre nouveauté qui sort ces jours-ci sur le label britannique Blackest Ever Black. Blackest Ever Black qui nous a habitués principalement à des disques de musique électronique post-industrielle, mais pas que. Témoin l'excellent disque qui vient de sortir du groupe anglais Officer, qu'on a eu l'occasion de vous passer à plusieurs reprises ces dernières semaines dans l'Asile le plus sûr. Et donc ce disque de Bremen, qui est un duo suédois qui était plutôt orienté punk à l'origine, Lanchi Orr à la guitare et Jonas Tiljander à l'orgue. Tous les deux, ils pratiquent désormais un genre de space rock un peu kraut, un peu post-Amandjoul. Parfois, ça fait penser aussi à du Popol Vuh sur certaines pièces, ou encore à du Faust de 1975, comme sur le titre que je vous propose d'écouter de Bremen, titre assez long, Entering Phase 2. Une séquence avec des morceaux à rallonge. Tout d'abord, le space rock de la formation Bremen, un duo suédois tout nouveau, tout chaud, avec un deuxième disque Second Launch, sorti en double vinyle sur Blackest Ever Black. Alors, je ne suis pas convaincu à 100% par l'ensemble des pièces, ni par le fait que ce soit une très bonne idée de se fendre d'un double LP aussi long, mais en tout cas des petites choses à pêcher dans ce duo qui pratique une sorte de space rock post-kraut qui est pas dégueulasse. Voilà, donc pour Bremen qui était enchaîné avec deux vieux de la vieille, Richard Pinas, guitariste français du groupe Eldon, en compagnie du batteur de Ruins et consort Tatsuya Yoshida, avec ce disque Welcome to the Void, sorti sur le label Cuneiform en CD. Une pièce qui fait pas loin d'une heure, qui devait être, j'imagine, un concert à l'origine, lors des tournées de Richard Pinas au Japon. Il joue pas mal, assez régulièrement, tout autant aux États-Unis qu'au Japon, cet homme-là. Et le label Cuneiform sort aussi par ailleurs, ou vient de sortir également, une autre rencontre en compagnie de Oren Ambarchi. Alors là, c'est un CD accompagné d'un DVD sous le titre Tycoon. Comme toujours, une musique qui est assez proche de ce que pouvait produire Richard Pinas avec son groupe Eldon, pour lequel il y a un certain nombre de rééditions, notamment grâce au label Supérieur Viaduct, le label de San Francisco, qui avait déjà sorti en vinyle Interface, et qui sort ces jours-ci, ou je crois que c'est plutôt au début de l'été, le deuxième opus de Eldon, qui s'intitulait Aletheia, qui est l'un de leurs tout meilleurs. Donc si la musique de Richard Pinas et de Eldon vous intéresse, rendez-vous sur le site Supérieur Viaduct, ou encore sur Cuneiform, qui fête ses 30 ans en cette année 2014, avec un tout nouveau site qui est particulièrement moche, je dois le dire. Voilà, on va continuer avec un artiste que je vous ai proposé la semaine dernière, quelqu'un qui est toujours en activité, mais qui s'est fait connaître surtout par un certain nombre de pièces de musique synthétique à la fin des années 70, début des années 80, sous le nom de Martin Åkesbert, alias Martok. La semaine dernière, je vous ai proposé un extrait de cette excellente anthologie sous le titre Music for Alien Ears, que vient de sortir le label Nippon M Records, qui consiste en fait en une série de 45 tours qu'il avait sorti par ses propres moyens, je crois, sous son label exotérique à l'époque. Et c'est une découverte pour ma part, et je suis plutôt scotché par la musique de ce que pouvait produire Partok à cette époque. Alors c'est assez proche aussi des Residents ou de Kraftwerk. Il y a des morceaux qui s'en rapprochent furieusement, mais il y a des choses très très très originales et très inventives, comme ce Navigator Through Nowhere par monsieur Martok. We'll be right back. Une séquence de musique électronique dans l'Asile Opus sur tout en contraste. Tout d'abord, la synth-pop de Martok, Martin O. Cuthbert, et son anthologie qui vient tout juste de revoir le jour sur le label japonais EM Records sous le titre Music for Alien Ears. Et à l'écoute de ce navigateur Through Nowhere, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le rapprochement avec ce que peuvent produire les Opéra Mort qu'on vous a proposé aussi la semaine dernière dans cette même émission, le groupe entre LG et Joe, qui produit une musique électronique finalement pas s'éloigner de celle que pouvait sortir ce Britannique à la fin des années 70, début des années 80. Et on a enchaîné avec une musique électronique un peu plus fracturée ou fracassée. Il s'agissait de SEC. SEC-8, l'alias de Mimmo Napolitano, électroacousticien de Naples, qui utilise un magnétophone à bande Revox joué en Larsen, en feedback et dans tous les sens, et qui a édité pas mal de disques sur notamment le label polonais Bossian Records. On l'a rencontré notamment aux côtés de Jérôme Nottinger ou plus récemment en compagnie de Olivier Di Placido. Là, il s'agit d'un disque qui est sorti il y a de ça quelques mois sur le label Den Records, qui est un label qui n'a pas froid aux oreilles, qui produit beaucoup de musique improvisée et dont s'occupe le saxophoniste Stefano Ferrian, donc label italien, et c'est une coproduction avec un label israélien qui répond au nom de Earth and Crossbone. Ça sort sous le titre de Outflow et c'est plutôt pas mal ce que fait Monsieur SEC ou SEC tiré du 8. Voilà donc pour cet Italien Mimmo Napolitano. On va continuer avec la musique de Michel Doneda qu'on écoutait la semaine dernière pour un vieux titre d'il y a 30 ans sorti sur son premier solo, le disque Terra, qui était sorti sur Natto. Et je voulais vous proposer cette semaine sa rencontre en compagnie du guitariste Fred Friss. Il s'agit d'un concert de 2009 à San Francisco dans le consortium Swiss Next, où le saxophoniste soprane du sud-ouest rencontrait le guitariste britannique basé en Californie pour une rencontre plutôt assez épicée, 66-70 minutes, qui se retrouve sur ce CD que vient tout juste de sortir le label de Vendeuvre, Les Nancy, Vendeuvre tout bonnement, le label du Centre culturel André Malraux, qui tenait à produire la musique de ces deux musiciens qui ont beaucoup compté dans l'histoire du festival Musique Action et de ce même label. On va écouter un court extrait de ces longues improvisations entre Michel Doneda et donc Fred Friss, un titre plutôt assez énergique entre le guitariste et le saxophoniste. Oh! une séquence d'improvisation autour de l'immense Michel Deneda, le saxophoniste français au jeu en souffle continu qu'on a eu la chance d'entendre le week-end dernier à 30 bornes de Rennes dans le cadre du festival Les Arts à Gare en compagnie du clarinettiste Joris Rull. On a entendu tout d'abord Monsieur Deneda en compagnie de Fred Friss sur le disque qu'ils viennent de sortir ensemble sur le label Vendeuvre. Fred Friss et Michel Deneda, des extraits d'un concert de 2009 à San Francisco. Et là, il s'agissait du trio Ruland qui réunit le saxophoniste avec le guitariste Dappy Wiz et pas mal d'autres projets, des potagers nature, monsieur Yann Saboya et le batteur Mathias Pontevia, et un trio que vous pourrez retrouver en concert à la fin de cette semaine. Ils joueront ce jeudi à Paris aux Instants Chavirés et le lendemain à Rennes pour une soirée organisée par l'association Interzone qui aura lieu à la Maison de la Grève, donc ce vendredi 13 juin. Une soirée dans laquelle vous pourrez aussi entendre deux solos de musiciens assez singulier, Joachim Florent du groupe Jean-Louis Imperial Quartet et Will Guthrie à la batterie et percussion, le batteur qui vit à Nantes et qui s'occupe des soirées câbles et qui officie au sein de The Hams Room. Ils seront rejoints aussi par le duo Papa Pic et Maman Cou. Donc tout ça pour la soirée du vendredi 13 juin à la Maison de la Grève, au 37 rue Le Graveran, entrée en prix libre. Plus d'informations sur le site interzone.free.fr. On continue avec le retour de Jacques Courcil, trompettiste qui se fait très très rare, ou plus exactement qui produit un disque à peu près tous les 10-20 ans. On l'avait rencontré par un très très beau disque qui était sorti en 1970 dans la fameuse série Big Actuel sous le titre Black Suit. Et puis il était retourné vivre en Martinique et y enseigner la linguistique. Et le label Tzadik avait publié un très bel album sous le titre Minimal Brass au milieu des années 2000, où on retrouvait son style qui fait pas mal penser à ce que faisait Monsieur Bill Dixon, donc une sorte de trompette assez minimale. On va écouter un extrait d'un tout nouvel album qui vient tout juste de voir le jour grâce au bon soin du label Rogue Art sous le titre Free Jazz Art, et on le retrouve aux côtés de Alan Silva, l'incroyable meneur de grand orchestre free à la fin des années 60, début des années 70, le Celestial Communication Orchestra, et qui continue à produire et à se produire sur scène beaucoup beaucoup, principalement au clavier un peu psychédélique, beaucoup moins à la contrebasse. Et donc c'est une joie de les retrouver ensemble, le trompettiste et Alan Silva à la contrebasse. On écoute un extrait de ce disque qui réunit trois concerts différents de ce duo sous le titre Free Jazz Art. Thank you.

Dans l'asile le plus sûr, une séquence de musique improvisée pour s'acheminer vers la fin de l'émission. On a attaqué avec la rencontre entre le trompettiste Jacques Courcil qui retrouvait Alan Silva à la contrebasse sur ce disque Free Jazz Art publié très récemment par le label Hexagonal Rogue Art, qui a toujours une production de qualité et très fourni, et ça depuis une bonne dizaine d'années. Et c'était enchaîné avec un musicien que je découvre avec ce disque. Il s'agit d'un saxo clarinettiste originaire d'Anvers qui s'appelle Joachim Badenhorst, qui retrouvait sur la séquence qu'on a pu entendre la paire de vétérans des musiques improvisées européennes britanniques, John Butcher saxophone et Paul Lighton aux percussions, pour ce disque Nartigal sorti sur son propre label Klein en CD. Alors ça, c'est un disque qui est sorti à la fin de l'année 2013, et monsieur Badenhorst s'est fendu d'un tout nouvel album également sur le label Klein, sur lequel on le retrouve notamment aux côtés de Gebhard Ullmann, qui est un saxophoniste qui lui aussi sort des choses plutôt très fameuses dans le jazz contemporain ces dernières années. Ils ont sorti ensemble d'ailleurs un 45 tours du même coup. Et donc Joachim Badenhorst, qui est quelqu'un sur lequel on va sans doute compter dans les prochaines années du côté des free music européennes. Voilà, je voulais vous rappeler aussi donc la soirée de ce vendredi 13 juin, organisé par Interzone avec le trio où vous pourrez retrouver le saxophoniste Michel Doneda, Yann Saboy à la guitare et Mathias Pontevia à la batterie, le trio Ruland, le solo de contrebasse de Joachim Florent du groupe Jean-Louis, Will Gusry aux batteries percussions pour un solo tribal et inventif, et le duo Papa Pic et Maman Cou, tout ça au 37 rue Le Graveran, pour une entrée en prix libre jusqu'à assez tard dans la nuit, sans doute donc ce 13 juin à partir de 20h30. Plus d'informations sur le site interzone au pluriel .free.fr. On se quitte avec un dernier disque, cette fois de saxophone microtonal. C'est le titre d'ailleurs de ce disque, microtonal saxophone, par Sergio Mercé, qui est un saxophoniste né à Buenos Aires, qui vit en Europe, je crois. Donc un saxophoniste argentin qu'on a pu entendre notamment aux côtés de Günther Müller Alan Curtis ou encore Lucio Capecce. Le disque est sorti sur l'excellente étiquette Potlatch Music. Et donc, c'est un disque qui fait beaucoup penser à ce qu'on peut produire dans ce type de musique un peu microtonale. Je pense notamment au saxophoniste Stephen Reeves ou encore Bertrand Denzler qui s'était fendu eux aussi de disques solo sur le fameux label Potlatch. On écoute un extrait de cette première pièce improvisée au saxophone microtonal par Sergio Mercé. Le temps pour moi de vous rappeler que l'émission est entièrement téléchargeable, podcastable et commentable sur son blog asile35.blogspot.fr. Il y a aussi un mixcloud.com/renman pour l'écoute en podcast direct. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. On écoute donc la musique de Sergio Mercé. Bonne semaine, à bientôt.